Bonjour et bienvenue dans ce nouvel animé nos mélodies au maqué. Au programme de ce nouveau numéro spécial, une interview de David Collin, enregistrée il y a un mois, musicien et producteur de Parallax, qui proposera à tous les fans d'Ulysse 31 sa version de la musique de cette série culte pour toute une génération de téléspectateurs qui aujourd'hui ont bien grandi. Avant de vous laisser écouter l'interview, je vais me permettre de rapidement vous rappeler qu'Ulysse 31 est la première coproduction entre la France et le Japon sur un dessin animé. On doit ce petit chef-d'œuvre pour la partie française à Bernard Derriès, Jean Chalopin et Nina Wallmark sous le nom de La Dick. Puis, pour la partie japonaise, c'est au studio Tokyo Movie Shinsha, la TMS, connu pour Cat's Eye ou Cobra, que l'on doit l'animation, et pour le chara-design, à Michi Emeno et le regretté Shingo Araki, à qui l'on doit ceux des Chevaliers du Zodiac, Senseiya, tandis que les designs des vaisseaux sont dus à Choji Kawamori, papa de Macross ou bien d'Escaflon. La musique de la série est due à plusieurs noms aujourd'hui bien connus de fans les plus avertis. Premièrement, Ike Higan et Danny Crockett, pour 90% de la musique utilisée. M. Saban et Shuki Levy, pour le restant, avec des musiques dites additionnelles. Chacun aura ainsi apporté sa pierre à l'édifice, offrant aux jeunes téléspectateurs de multiples sensations musicales. Higan et Crockett auront apporté de la profondeur et une musique à la fois épique et moderne, proche des sonorités des films de space opéra. Tandis que Saban et Levy, eux, auront donné en fait une couleur plus futuriste. À la toute fin de l'interview, vous pourrez écouter en exclusivité quelques extraits du prochain album de Parallax, Ulysse 31, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Nous aborderons par la suite une petite partie technique sur les problèmes de l'enregistrement de l'interview, car cela ne fut pas de tout repos. Et pour cela, c'est Thierry Bénard, mon comparse spécialiste audiophile, qui vous expliquera tous les petits tracas que l'on a eus et les trouvailles pour améliorer le résultat, ce qui m'a malheureusement fait repousser la sortie de cette interview. Mais avant de lancer cette interview, mettons-nous dans l'ambiance avec le deuxième générique du Ulysse 31. Et on attaquera par la suite directement donc l'interview. Bonjour David Collin. Bonjour Damien. Merci d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Alors, première question basique mais fondamentale. Comment est-ce que tu as connu Ulysse 31 et quels souvenirs tu en gardes? Alors, j'ai connu Ulysse 31 comme beaucoup de monde de ma génération, donc en regardant le soir à 19h55. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir découvrir Ulysse 31 dès la première diffusion. Voilà. Ah oui, c'était en 81 ou 82 ? 81, je crois. 81, oui. D'accord, oui, donc c'était diffusé tous les soirs à 19h55 et un épisode en entier le samedi. Voilà, ouais. Alors pour les auditeurs, on va quand même tout raconter. On est en train de faire un deuxième enregistrement de cette interview, donc on va essayer de répéter ce qu'on a déjà dit un peu avant. Donc peut-être que ça va occasionner deux trois rires, fous rires, enfin pas des fous rires, mais des petits rires en fond. Plus rien. Voilà, on continue donc cette interview. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a marqué le plus finalement ? Est-ce que c'est le dessin animé ou est-ce que c'est la musique en premier ? Alors en premier, c'est quand même le dessin animé. Étant enfant, oui, c'était plus le dessin animé. Oui, oui, parce que j'avais 7-8 ans à l'époque, donc vraiment les images d'un dessin animé futuriste, un peu à la Star Wars, c'est vraiment ce qui est marquant quand même au départ. Mais ça forme quand même un tout, puisque la musique, quand on repense au dessin animé, quand on est gamin, on chante le générique, on se fredonne les mélodies, donc vraiment ça forme un tout quand même. Oui, musicalement, déjà, même les génériques donnent une forme de ce qu'on aime beaucoup dans la musique. Oui, bien sûr. Dans la série, en fait. On achète les disques, donc plus ou moins inconsciemment, la musique est là quand même presque autant que le dessin animé lui-même, quoi. Alors, dis-moi, à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à la musique du Ulysse 31 ? Alors, je me suis vraiment intéressé... disons que ça m'a jamais vraiment quitté, mais... Quand j'ai commencé à bien travailler la guitare dans les années 90, là j'ai commencé à y repenser en me disant tiens, certains thèmes et tout, c'est vrai, il y avait Ulysse 31, j'aimais bien, ça serait marrant de rejouer ça un jour. Puis voilà, ça en est resté là, j'ai laissé un petit peu cette idée dans un coin de ma tête pendant quelques années. Et donc c'est pas cette... Bah, disons qu'il y a eu beaucoup de choses dans les années 80, mais disons que c'est pas Ulysse 31 qui t'a donné goût à jouer à jouer des instruments. C'est devenu tout seul sur quelque chose d'autre qui t'a donné envie de faire de la musique. Ça a un peu contribué quand même, hein, ça... comme il y a certains groupes là qui donnent envie hein, de jouer de la guitare ou d'autres choses, mais... Tu étais fan de quoi dans les années 80, tiens ? Quand t'as commencé à grandir, t'étais fan de quel groupe ? J'étais fan de Queen, moi. Quand j'étais au lycée, j'écoutais beaucoup de Queen. D'accord. Et puis j'aimais bien ce qui était planant aussi, du Pink Floyd, du Marillion, ces groupes-là, quoi. Ouais, on est quand même dans un univers très rock, hein, finalement. Très rock, un peu planant, un peu rêveur. Voilà, j'écoutais du U2 aussi... un petit peu de Genesis, voilà, j'aimais bien ces groupes-là. Ouais. Les grands groupes des années 80, quoi. Voilà, voilà. Alors, j'imagine qu'il y a un thème que tu affectionnes plus qu'un autre dans Ulysse 31, excuse-moi, j'allais dire les cités d'or. Il y en a aussi, oui. Oui, aussi. Dans Ulysse 31, quels sont les thèmes que tu apprécies le plus ? Alors, ceux que j'apprécie le plus, oui, sont Ulysse terrasse le cyclope. Ouais. Il est vraiment très fort, très. C'est celui qui a fait un peu dans les grandes pompes là. Voilà, enfin, très fort émotionnellement. Celui-là, il y a le Cyclope et les moines aveugles. Ouais. Il y a Récits et légendes aussi, l'attaque des tridents, bien sûr. Ces morceaux-là, tu les as bien en tête, hein. J'imagine maintenant. Ceux-là, oui, c'est vraiment les thèmes qui restent le plus en tête après le générique, quoi. Est-ce que tu en as rêvé ? J'en ai pas le souvenir, non. Alors, ça n'a jamais affecté Peut-être que j'ai pu en rêver, mais j'en ai pas le souvenir. Ça fait tellement de partie de ma vie que j'y pense à peu près tous les jours, mais la nuit, non, je suis tellement fatigué que je dois bien dormir en fait. Je sais pas. C'est quoi le premier morceau que tu as commencé à réorchestrer finalement ? Alors le tout premier, c'était Le Cyclope et les Moines Aveugles. C'est celui que tu tenais le plus à cœur. Ouais. Je voulais commencer par Ulysse Terrasse le Cyclope, mais en fait, je l'ai fait en deuxième, celui-ci. Et je voulais pas commencer par un morceau trop dur non plus au niveau de l'orchestration, bien que c'était pas simple quand même, avec certains sons, notamment les sons électroniques, là. Mais bon, voilà, j'ai démarré par Le Cyclope et les Moines Aveugles. C'était en juin 2007, aux alentours du 15 juin 2007. C'est ceux qu'on peut écouter sur ton site internet, puisqu'il y a les versions 2007 dessus. Bah, c'est les premières versions, ça, voilà. Ouais. C'est vraiment les versions démo, ce que j'appelle les versions démo, qui sont encore en ligne sur le site. C'est vraiment les toutes premières versions que j'ai laissées un peu par nostalgie, mais... Alors qu'est-ce que ça doit être, hein, parce que quand on écoute la version 2007 et on va dire les versions un peu plus récentes, 2007, on dit déjà quand on écoute, on dirait que c'est ce qu'on écoutait déjà dans la série. On n'arrive pas à entendre forcément la grosse différence, je trouve. Après, il faut comparer les deux morceaux entre celui de 2007 et 2014, voire 2015. Oui. Alors peut-être qu'on verra peut-être les tirages joues que tu as pu faire en plus, non, c'est ça, j'imagine. Ces deux morceaux-là ont été entièrement réenregistrés. Donc il y a quand même une évolution importante en termes d'arrangement et de qualité sonore aussi. Enfin moi je trouve après. Ça reste les mêmes mélodies, ça reste les mêmes notes quasiment. Mais enfin moi je trouve que c'est meilleur quand même maintenant. D'accord. Évidemment parce qu'il y a eu plusieurs versions depuis. Hein. Ça vient justement à la question que je t'avais posée dans la première fois qu'on avait commencé à faire cette interview. Je pense il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de ton travail. Que tu as fait sur Ulysse 31, les différences qu'il y a entre la BO d'origine et ce que toi tu as produit. Parce que j'ai même regardé sur certains commentaires, par exemple sur la vidéo du Japan Tour, les gens ont l'impression déjà qu'ils écoutent la BO originale dans certains commentaires. Ils n'ont pas compris pas Japan Tour, excuse-moi. Il y avait quelqu'un qui a mis une tépiste avec le logo de Parallax dessus. Et plein de gens pensaient que c'était une musique tirée de l'animé. Ils n'ont pas compris la différence finalement du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence? Est-ce que tu as ajouté toi en plus? En général, quand on entend les thèmes dans les musiques, bon, les thèmes, j'essaie de respecter ce qui est fait depuis la BO. Donc, les thèmes restent intégralement comme à l'origine, quoi, si tu veux. Après, moi, j'aime bien rajouter des petites choses, rajouter des petits développements, retravailler les introductions. Quand il y a besoin, rajouter un petit solo de clavier ou de guitare. Ce petit travail-là est venu un peu naturellement. Ça s'est plus ou moins imposé naturellement. Parce que quand j'ai commencé à bosser là-dessus, il y avait que les pistes audio des DVD qui étaient disponibles. Et donc, soit je reprenais exactement ce qu'il y avait, et puis ça faisait des petits thèmes très courts, finalement, qui s'enchaînaient comme ça. Ou soit j'en faisais des versions un peu plus longues pour essayer de développer un peu, pour faire durer le plaisir, quoi. Et donc, j'ai pris ce choix-là. Enfin, j'ai décidé de rallonger un petit peu les morceaux, surtout pour me faire plaisir, en fait. Et puis apporter ma touche personnelle, quoi. Et d'ailleurs, on voit un peu dans le making of qui est disponible sur YouTube. Hein, vous cherchez David Colin, puis ensuite making of. On te voit avec des partitions, c'est que tu as recréé vraiment note par note pour certains morceaux pour pouvoir les rejouer correctement. Tu as recréé vraiment note par note certains morceaux. Oui. Il y a pas de partition. Donc j'ai retrouvé d'oreille, j'ai relevé en fait. Relever certaines mélodies, pas tout, hein, mais quand il y avait besoin, il fallait parfois coucher sur papier les mélodies pour l'arrangement. Ça, c'était surtout pour les gros arrangements, où on peut pas tout faire de mémoire. Travailler directement sur les pistes MIDI dans Cubase, hein, il fallait parfois quand même que je note sur papier les différentes mélodies pour pouvoir m'y retrouver, parce que sinon c'est un vrai casse-tête, quoi. C'est comme un puzzle géant, en fait. Parce qu'il y a les mélodies, chaque instrument joue ses propres mélodies, et il y a les sons. Donc chaque mélodie est jouée par un son bien précis, que ce soit avec des synthétiseurs ou avec des guitares ou avec des sons d'orchestre. Donc chaque son a sa place et chaque instrument joue sa mélodie propre, quoi. Et tu travailles sur Cubase ? Oui, je travaille sur Cubase, ouais, depuis le début du projet. On peut peut-être expliquer ce que c'est que Cubase à ceux qui nous écoutent. Alors c'est un séquenceur audio. C'est une sorte de logiciel. Ça, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer sur ordinateur, de faire de la production musicale, quoi. Donc, on enregistre les instruments les uns après les autres sur des pistes autonomes. Donc, chaque instrument a sa propre piste. Donc, s'il y a un morceau à faire avec 20 instruments différents, chaque instrument est isolé sur une piste. Donc, ça fait 20 pistes. Et puis, ensuite, il faut faire ce qu'on appelle le mixage, régler les effets, les volumes, les panoramiques. Et après, on fusionne tout ça sur une seule piste stéréo pour après ensuite faire le CD. Enfin voilà, ça ira sur le CD final, quoi. C'est un travail qui est un peu fastidieux, non ? Ou maintenant, c'est relativement plus facile pour toi ? Ça demande de la concentration. En fait, y a différentes étapes, hein. La transcription... Quand on relève les mélodies, quand on cherche à bien entendre tout ce qui se passe, là, c'est déjà une certaine difficulté, donc ça demande de la concentration. Après, il faut jouer le morceau. Parfois, il y a une performance physique, puisque quand on joue, quand il faut reprendre un solo de guitare qui est un peu virtuose, il faut le travailler, il faut y passer du temps, il faut enregistrer, ça va pas, on recommence. Parfois, on recommence 10 fois, 20 fois, enfin, tu vois, c'est... Ah oui, tu enregistres tout en une seule fois, de toute façon. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est souvent par petits morceaux, donc quand il y a de la batterie à faire, je passe une semaine à rien que sur la batterie pour bien refaire tout l'arrangement de batterie, tout ce qu'il faut là où il faut au niveau des cymbales, les grosses caisses claires, enfin tout ce qu'il y a, quoi. Il peut y avoir des petites percussions, enfin c'est, et donc ça aussi c'est de la concentration, ça demande un effort quand même. D'accord. Voilà. Alors, en fait, ça va répondre à la question suivante. En fait, j'allais te poser, qu'est-ce qui était le plus compliqué lors le processus de création, c'est ça, en tout cas. Oui, c'est à chaque étape il y a des difficultés. Oui, bon alors c'est un tout alors. C'est un tout. C'était ouais. Compliqué. Mais peut-être pour moi je trouve le plus pénible entre guillemets, c'est quand même la transcription, quand j'ai pas de source correcte et qu'il faut partir des DVD où la musique est mélangée, enfin noyée avec les dialogues et les bruitages et que c'est en mono. Donc là, c'est vraiment ce qui est le plus pénible, quoi. Ouais. Et les deux tiers du projet ont été faits de cette manière-là, puisque après quand le premier CD de la BO est sorti, j'avais déjà pas mal de choses de fait, surtout la transcription, quoi. J'avais beaucoup repiqué d'oreilles déjà les thèmes, mais bon, ça m'a aidé quand même. Depuis, ça va beaucoup plus vite. Oui, et puis surtout en fin de chaque piste que tu as terminée, tu dois être assez content. Enfin, une sorte de relâchement. Tu gardes une semaine pour toi derrière ou tu vas franco, tu continues sur une suite sur une piste suivante. Alors, il m'est arrivé de faire deux trois morceaux d'affilée, et puis après, il faut que je fasse une pause parce que je suis fatigué, parce que j'ai les yeux qui me piquent, et puis parce que j'ai du travail par ailleurs aussi. Pas de lassitude. C'est plus de la fatigue. D'accord. C'est plus de la fatigue. Si j'en ai marre, c'est pas vraiment par lassitude, c'est plus par fatigue. Et je me repose bien, puis après, je repars de plus belle, quoi. Faut garder les week-ends pour la petite famille, quoi. Oui. c'est ça en fait. C'est ça, il faut savoir partager son temps. Maintenant, c'est pas comme quand j'avais 20 ans et j'étais célibataire, je pouvais me coucher toutes les nuits à 3 heures. Quand on est étudiant, on fait ce qu'on veut, mais après, bon, voilà, c'est y a le travail, la vie de famille. Tu auras plus de temps à la retraite. Oui, enfin bon, j'ai encore du temps, heureusement, mais j'y suis pas encore à la retraite. Alors dis-moi, tu as pas mal de matériel d'époque, oui, pour recréer l'univers du Ulysse 31. Et est-ce que tu peux donner des noms, par exemple, de ce que tu as utilisé comme logiciel et qu'est-ce qu'ils font ? Alors je rappelle à nos auditeurs que sur le making-of, on voit ces instruments-là et les sons qu'ils génèrent. comme le Moog. Il y a le Prophète, hein, c'est ça, le Prophète 5. Oui. Je me trompe pas, voilà. Oui, le Prophète voilà. 5. Qu'est-ce que tu peux me nommer quelques-uns, peut-être pas tous, que tu dois en avoir peut-être pas mal. Et quel type de bruit ils permettent de faire? Qu'est-ce qu'ils ont amené à l'Ulysse 31 dans la BO originale, finalement? Et tu peux nous en dire quelques-uns? Alors oui, déjà, Ulysse 31, la musique d'Ulysse 31 et tout ce qui est effet visuel, ça a été enregistré aux États-Unis, donc avec des machines américaines, ouais. des synthétiseurs de marque américaine. Donc il y a le Prophète 5, effectivement, la marque Sequential Circuit. Le Prophète 5 servait principalement à faire, donc il y avait des nappes, des mélodies. C'est pas simple d'expliquer sans avoir la musique, hein, je comprends. Mais... Ouais, ça va, tu comprends. Donc en fait, la polyphonie, hein, il permet de jouer de la polyphonie, donc des nappes, des accords de nappes, et des grosses nappes graves, des gros sons. les sons du générique d'Ulysse, ça vient principalement du Prophète 5. Comme le générique de fin, le qu'on entend en fond, sur la toute fin de la chanson, c'est ça? Par exemple les gros sons générique. Un peu agressifs dans les graves ou les sons particuliers là, les sons de lead comme Inspector Gadget, comme les Cités d'Or, c'est vraiment essentiellement le Prophète 5. Et le Moog, si je me rappelle bien ce que j'ai vu dans le making of, c'est celui qui fait des bruitages un peu électroniques très bizarroïdes. Alors le Moog sert aussi à faire des mélodies un peu péchues, un peu tenues. Le mini Moog, c'est un instrument monophonique, donc on fait pas d'accord avec. On fait pas. Si on fait des nappes, c'est vraiment des sons tenus, une nappe grave ou des mélodies dans les graves, mais c'est monophonique, donc un seul son à la fois. Mais c'est pas celui qui font les pic, c'est qui font les bruitages un peu électroniques, un peu robotiques. Alors ça, les bruitages, c'est l'ARP 2600. Celui-là, c'est vraiment le synthétiseur qui est parfait pour les bruitages. Il a servi d'ailleurs dans d'autres séries, hein, comme Goldorak, tous les bruitages, Fulgur au point et compagnie, tout ça, là, c'est l'ARP 2600. Le R2-D2 dans Star Wars, c'est aussi ça, c'est le 2600. Ah bon, le... D'accord. Ouais. Les sifflements R2-D2, c'est exactement ça. Voilà, et puis tous les petits ajouts donc de petits bruits dans les morceaux ou même quand on entend purement des effets spéciaux dans Ulysse 31, ça fait un peu électronique, c'est l'ARP 2600 généralement. Voilà, c'était vraiment la machine très très utilisée à l'époque. Pour les trouver, tu es passé par eBay ou tu as fait les brocantes? C'est eBay essentiellement, ouais. Essentiellement eBay, ouais. Ça se vend très cher, ce genre de choses? C'est assez accessible, on va dire. C'est accessible, c'est quand même plusieurs milliers d'euros, donc il faut... Oui, alors accessible... ça dépend pour qui, mais il faut économiser un peu, quoi. D'accord. C'est vrai, et ça, en plus, les prix ont flambé. C'était déjà cher quand moi, je les ai achetés, mais les prix ont encore flambé depuis. Ça devient une folie totale, quoi. À cause des modes chips, genre de choses, là, pour faire de la musique, ou c'était... Parce que c'est de plus en plus recherché, c'est de plus en plus rare, et l'engouement pour le vintage... C'est une chose qui continue de se développer, quoi. Et est-ce que tu utilisais ce qu'on appelle les VST avec tes logiciels? Je pense que c'est adossé à Cubase, ça, de toute façon, j'imagine. Oui. Alors, des VST, oui, j'en ai un certain nombre. Alors, VST, c'est Virtual Studio Technology. Virtual Sound Technology. Ah, Sound. Mais ce qui ne veut rien dire pour les autres, hein, non plus. Malgré tout, malgré le nom. Tu peux dire ce que c'est exactement? C'est... Alors, c'est des instruments réels qui ont été enregistrés et dont les sons ont été adaptés en logiciel, si tu veux. Par exemple, moi, je fonctionne avec des VST pour tout ce qui est son d'orchestre, ouais. Et tout ce qui est son de batterie aussi. Donc, par exemple, pour l'orchestre, j'ai toute une banque de DVD sur laquelle figurent plein de sons. Ah, carrément des DVD, donc ça doit être énorme en place. Ah oui, puis je sais même pas combien il y en a, peut-être une trentaine de DVD, rien que pour l'orchestre symphonique, là, ça en fait pas mal, effectivement. Et l'idée, c'est que l'orchestre qui a été samplé pour ce truc-là, chaque note a été donc enregistrée, ouais. Et sous différentes interprétations, si tu veux. fort, pas fort, son bref, son long, son tenu, son avec vibrato, sans vibrato, tu vois, pour pouvoir restituer toutes les ambiances différentes possibles. Ça va être un travail de fou pour choisir un morceau là-dedans. Alors après, voilà, bon, ça se présente sous forme de liste. On l'intègre dans Cubase, donc on va ouvrir une piste MIDI. On connecte l'instrument de son choix et puis après on va piocher dans le son qui convient. S'il faut des sons brefs, s'il faut des sons avec une attaque assez forte, voilà. Enfin après c'est du temps aussi pour j'imagine pour sélectionner les bons sons pour que l'âme du morceau soit vraiment restituée comme il faut quoi. Bon, il faudra nous faire peut-être avec Yannick Roux les Cités d'Or en symphonique après. Ah, il y a de quoi faire, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je dis ça, mais bon. Alors dis-moi, combien de temps tu passes à peu près sur chaque piste que tu crées? À peu près, hein, parce qu'il y a des morceaux qui sont plus ou moins courts, donc forcément le temps est différent, mais... Oui, alors ça dépend, c'est assez variable, puisqu'il y a des morceaux qui sont très courts et d'autres qui sont très longs. Je me souviens avoir passé, par exemple, sur un long et bon voyage qui fait presque 5 minutes, j'ai dû passer 2 mois dessus. Ah oui. Bon, là, c'est vraiment purement orchestral. Donc il y a un gros travail de fourmi sur justement choisir les bons sons, mixer et tout ça, en plus de la retranscription évidemment, de l'arrangement. Alors juste pour que les auditeurs comprennent, quand tu dis 2 mois, c'est en temps réel pour toi, tout ajouté en termes de temps, ou ouais, c'est 2 mois dans le temps entre ton travail et... Ah oui, mais c'est 2 mois dans le temps... En temps réel? Non, pas en temps réel, non. Au quotidien, si tu veux, avec mon travail, tout ça, hein. Parce que c'est un petit peu tous les soirs, quoi. Ouais. Je devais y passer 8 heures par jour, comme dans un studio professionnel, ça serait fait. Je pense qu'en quelques jours, ça pourrait être fait. Un morceau comme celui-ci, je sais pas, peut-être une semaine, quoi. Une semaine ou deux, mais bon, et encore. Mais là, bon, voilà, moi, il y a des soirs où je peux pas y travailler non plus parce que je me lève tôt et puis que le lendemain, c'est encore plus dur, tu vois. Donc, ça dépend vraiment des semaines, ça dépend des jours. Mais je me souviens avoir mis 2 mois pour celui-ci. Tout compris, c'est-à-dire à partir du moment où je commençais la transcription jusqu'à la fin du mixage, quoi. D'accord. Et par exemple, pour Ulysse Terrasse le Cyclope, j'ai dû mettre 1 mois à peu près pour la première version, et puis la dernière version que j'ai refaite là pour l'album, j'ai dû passer 1 semaine dessus. Oui, ce qui était déjà travaillé. Et je gagne. Oui, oui. Je gagne beaucoup plus de temps maintenant parce que j'ai plus l'habitude. Et puis, c'est un peu les mêmes sons qui reviennent. D'accord. J'ai plus l'habitude qu'aujourd'hui qu'en 2007, quoi. Donc, je vais beaucoup plus vite. Même si, voilà, bon, d'une manière générale, pour un gros morceau, il faut compter 3 semaines, 1 mois. Et puis, pour un petit morceau de 2 minutes, ça peut être plus court. Ça peut être une petite semaine, voire une journée. Il y a des thèmes qui ont pris 1 journée ou 2. On y reviendra tout à l'heure parce que de toute façon, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles l'album n'est pas encore sorti aussi en entièrement. C'est une des raisons, mais c'est vrai que ça prend du temps, comme les auditeurs peuvent l'entendre, pour faire un seul morceau. Ça peut prendre beaucoup de temps sur certains morceaux, donc forcément, ça se fait pas en 2 jours ou en 1 journée. Tout dépend de la complexité de l'arrangement aussi. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de temps, qui travaille pas dans la vitesse non plus. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin d'entendre les choses, d'avoir du recul aussi sur les enregistrements, sur les sons. Je fais pas les choses dans la précipitation, sinon ça me plaît pas. Et puis c'est pas pareil, quoi. Ouais, tu marques bien que t'es persévérant, acharné et perfectionniste. Si vous allez sur la biographie, sur le site de parallax.fr, vous verrez, c'est écrit en noir sur blanc. Enfin non, sur bleu sur noir même. Ouais, j'ai marqué ça, ouais. C'est écrit pour la postérité. Ah, mais j'en voulais quand j'ai marqué ça ce jour-là, je sais pas. Non, mais c'est vrai, il faut faire les choses. Moi, j'aime bien faire les choses bien. Donc, par contre, ça prend du temps, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu la contrainte. Puis, je suis tout seul aussi, donc quand on est tout seul à faire un projet comme celui-ci, c'est... Oh, tu es accompagné sur cet album de 3 personnes. Enfin, ils t'ont pas aidé à créer tout ça, mais ils t'ont aidé à enregistrer certains morceaux. Tu peux parler des 2-3 personnes qui t'ont aidé à jouer certains instruments, la flûte traversière, on voit une jeune fille sur la vidéo. Il y a les noms qui sont affichés en fin de making of, mais je les ai pas relevés là pour cette. Oui, alors j'ai quelques élèves, c'est des élèves à moi ça. Ah, des élèves, voilà. C'est une question que je me posais, si c'était des élèves. Ouais, il y a. Peut-être pas le monsieur aussi vieux que toi, mais. J'étais, oui, il n'y a pas si longtemps, j'étais en lycée, j'ai enseigné en lycée. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes là merveilleux qui jouaient très très bien d'ailleurs. Et donc je les ai invités, je leur ai proposé de venir jouer justement, puisque la flûtiste Cécile jouait vraiment merveilleusement bien. Et c'était en plus à l'époque où j'étais en train de réorchestrer Vaisseau PX-27. Et je n'étais pas excessivement satisfait non plus de ce que j'avais fait sur d'autres morceaux avec la flûte traversière, avec mes VST. Donc voilà, là j'avais l'occasion de travailler avec elle et c'était vraiment parfait quoi. C'était vraiment parfait. Il y a un jeune homme aussi qui joue du synthé à un moment avec toi. Je n'ai pas retenu son nom. C'est pas Rondeau comme ça. Alors c'est Christophe Nadeau. Alors Nadeau. Ça c'est mon grand ami d'enfance puisqu'on se connaît depuis la fac à Poitiers. Et oui on se suit un petit peu et Christophe a fait plusieurs apparitions donc dans le projet. Dès qu'il y a un solo de synthé vraiment un peu élaboré à faire, c'est à lui que je fais appel. D'accord. Donc il est venu, oui, faire l'attaque des tridents. Et il a fait un très très beau solo aussi, justement sur Vaisseau PX-27, sur la partie 2. C'est lui qui l'a composé, ce solo. Qui l'a, je suis vraiment... C'est un petit peu coupé, qui l'a composé ? C'est lui qui a composé ce solo, ouais. Son solo. Bon, il a fait plusieurs versions, j'ai dit un petit peu ce que je préférais. Et vraiment, il m'a fait un truc fabuleux là-dessus. Je le remercierai jamais assez. C'est vraiment génial, quoi. Bon, c'est bien d'avoir des amis qui peuvent nous aider, effectivement. Voilà. Et il y a aussi Paul Végère qui m'a fait des parties de trompette sur certains morceaux. Et c'est lui notamment donc sur Vaisseau PX-27 à la trompette bouchée. Et voilà, c'est excellent. Vraiment, il m'a fait encore un truc fabuleux lui aussi. Et je les remercie vraiment, vraiment de tout cœur. Est-ce qu'il est bouché dans la vie ? Non ? Non, c'est la trompette bouchée. C'est quoi la trompette bouchée, du coup ? C'est un peu compliqué peut-être à présenter comme ça, mais il a une forme spéciale, Tu mets, non, tu mets une espèce de cornet dans la trompette. C'est ce qui apporte un son un peu différent. D'accord. Ce son un peu plus nasillard, tu vois. Ah oui, comme dans les formations de jazz. Voilà, ouais. C'est ça ? Ouais, d'accord, c'est utilisé en jazz notamment. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux me décrire un petit peu le coffret collector qui va sortir en quelques temps et ses multiples versions ? Alors, ses multiples versions, il n'y aura pas de multiples versions pour le coffret collector, mais une version collector, puisque le coffret va contenir donc le double vinyle, le CD. Il y aura les 7 encarts aussi, qui sont des espèces de mini posters au format carré, voilà, dont j'ai dévoilé certaines des images au Japan Tour. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Et je vais faire quelques ajouts par rapport à ça. J'ai déjà des cartes postales qui sont prévues, donc qui vont s'insérer dedans. Et puis, je réfléchis également à l'idée d'y ajouter une planche ou deux. Concernant le making of, donc peut-être avec des scans de partitions ou de des préversions du visuel aussi du coffret, puisque j'ai Benjamin Carré qui a travaillé sur la couverture du coffret, m'avait envoyé des essais si tu veux, donc on a travaillé sur plusieurs thèmes différents sur le coffret. Ouais. Et j'ai encore des traces de ça, donc je vais peut-être essayer d'en faire profiter justement toutes les personnes qui ont acheté, qui ont attendu depuis longtemps, tous ceux qui ont précommandé depuis longtemps. Alors quand je parle de multiples versions, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi la version CD tout court. Oui, donc voilà. Il y a bien sûr la version CD tout court, le Digipack qui sera disponible tout seul, ou dans le coffret qui regroupera tous ces éléments-là, quoi. On peut encore précommander ou c'est fermé ? Non, c'est pas encore fermé. C'est pas encore fermé. J'ai pas encore atteint le maximum, donc ça reste jusqu'à la sortie. Ça, le prix ne bougera pas. Ça reste ouvert tel que ça l'a été jusqu'à présent. Tu peux rappeler le prix du coffret ? Alors, il est à 69,99 euros. 69,99 euros. Et ça comprend la livraison, quel que soit le lieu de livraison dans le monde entier. Donc voilà, si c'est à l'étranger, très loin, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein, je me suis engagé là-dessus et c'est plus pratique pour moi comme ça. Au fin fond de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, ouais, c'est arrivé d'ailleurs. Hein. J'ai eu des commandes du Japon, des États-Unis. C'est assez étonnant. Bah, et pour le CD, alors c'est 18,99€. Bah, je pense que le coffret collector vaut le coup, même si on n'a pas de tourne-disque. Je trouve que l'objet est beau et par rapport à ce que tu proposes dedans, le coffret déjà en lui-même, je trouve qu'il a de la valeur en lui-même. Il vaut le coup de mettre autant d'argent, je pense, dans ce coffret. Ouais. Après, effectivement, il y en a qui vont peut-être un peu dire « j'ai pas besoin du 30 retours », bah, prends la version simple, alors, du coup, t'embêtes pas. L'histoire. Non, mais franchement, l'objet est beau et vaut le coup. Je pense qu'il y a des fois, il y a des coffrets qui sortent, je parle en DVD ou en Blu-ray, des fois qui sont hors de prix et qui contiennent rien dedans. Et ça, ouais. Franchement, c'est un peu limite, voire c'est scandaleux, on va dire, je pense. Mais bon, dans ton cas, je trouve que c'est vachement intéressant. On peut ne pas trouver d'intérêt dans les encarts, à la rigueur. Mais le coffret, comme le coffret Cobra, par exemple, qui est sorti il y a quelques temps, qui est magnifique, il vaut le coup pour ce qu'il propose. Le coffret, il est beau, quoi. On va dire, on achète une boîte, peut-être, mais pour un collectionneur, ça vaut le coup. Oui, il faut savoir que je prévois aussi tout ce qui est dans le coffret, ça sera qualité maximum. C'est-à-dire que les vinyles seront en 180 grammes, ils seront translucides, transparents. Voilà, et puis les sous-pochettes, les pochettes seront avec un carton le plus épais possible. Donc vraiment, je fais en sorte que ça soit vraiment un objet solide et de qualité. Voilà. Il y aura sur le digipack du CD, un dépliant à 3 volets, et dessus, il y aura ce qu'on appelle un effet relief. Donc c'est une image lenticulaire, voilà, qui donne un effet relief. Quand on la bouge, on voit Ulysse en relief. Dessus. Ça sera sur le CD, dans la vraiment. Pochette Digipack. On va parler un petit peu de toi maintenant, David Collin. Oui. Oui, zut. Ah mince. Ça va pas faire mal, on va y aller tout doucement. Alors, juste une question en rapport avec ton métier de professeur de musique. Est-ce que tu as tenté ou pas de faire découvrir ces musiques-là, du Ulysse 31 par exemple, à tes élèves ou pas du tout? Ton métier, c'est une chose à part et c'est tout. Ouais, alors je m'aventure pas trop dans ce genre de choses. Ça dépend en fait. Ça dépend la classe que tu as en face de toi, parce qu'il y a des classes qui sont plutôt réceptives, sympas et qui tu le sens quand ça passe bien, quoi. Bon, tu peux présenter des choses un peu perso. C'est arrivé cette année. J'ai fait écouter un de mes morceaux à une classe de cinquième qui avait entendu parler. Voilà, il y avait un élève qui a réussi à dégoter. Un de mes premiers CD et qui a mis, oh, qui m'a demandé, tiens, on peut passer un morceau, monsieur, en cours et tout. Donc là, oui, bon, ça passe bien et j'explique un petit peu. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des classes qui sont pas toujours très sympas et qui s'en fichent un peu. Donc je vais pas forcer les choses, quoi. Quand je sens que ça passe bien et que les élèves qui s'intéressent, bon, là, oui, je peux en parler. Parfois, ça m'est arrivé d'amener la guitare électrique aussi, puis de montrer, d'expliquer, de jouer un petit peu. Quand les élèves s'intéressent, c'est bien, c'est super, mais bon, ouais. c'est pas systématique. Alors dis-moi, on va parler donc maintenant de Parallax. Est-ce que tu peux parler de Parallax, justement? Qu'est-ce que Parallax? Alors Parallax, c'était à la base un groupe de musique que j'avais monté avec des copains quand j'étais à la fac de musicologie à Poitiers. Et puis depuis, bon, les copains sont un peu partis... pour le travail, pour les études et tout ça, donc ça s'est un peu arrêté. Moi, j'ai gardé le nom parce que j'avais trouvé le nom, ça me plaisait, et puis je voulais continuer l'esprit un petit peu de ce qui avait été entamé à cette époque-là, à savoir qui était jouer un peu du rock progressif, du metal progressif. Donc j'avais envie de garder l'idée du concept de groupe, même si maintenant, c'est plus vraiment un groupe, puisque c'est devenu mon nom d'artiste. D'accord. Depuis, j'ai sorti un album sous mon nom. Ça correspond d'ailleurs un peu à cette époque-là où on avait monté Parallax. Maintenant, je préfère sortir les choses sous le nom de Parallax, puisque il arrive parfois, comme c'est arrivé là pour Ulysse, que certains intervenants extérieurs viennent jouer pour quelques parties, quelques instruments. Donc j'aime autant pour cette idée-là, garder le nom de Parallax. Donc ton premier album perso, c'était The Silver Ghost Project, c'est ça ? The Silver Ghost Project, voilà. J'avais sorti ça sous mon propre nom. Donc ça, c'est un... je vais en parler sur le site d'Anime No Melody, ou si je ne l'ai pas fait, je vais le faire et le copier, ce que je viens peut-être parler plutôt sur Facebook. Mais c'est un album concept. Oui. Voilà. Et ouais. Qui, je ne sais pas, tu m'avais dit à l'époque, enfin tu m'avais dit que tu avais apprécié ce que j'avais écrit, ok. Mais est-ce que j'étais dans la réalité de ce que je pensais ? Est-ce que c'est un voyage ? Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est un ordinateur qui démarre au début du disque, ouais. Et qui va bugger un peu comme dans Tron, en fait. L'auditeur se retrouve immergé dans la musique. Alors, j'ai ajouté des effets spéciaux et tout ça pour qu'on s'imagine tout à fait. Il y a un côté un peu cinématographique dans le truc. Et puis les compos, voilà, vont s'enchaîner. On voyage dans différentes ambiances jusqu'à la fin où, lorsque la musique s'éteint, l'ordinateur reprend le contrôle et va s'éteindre naturellement. On ressort de là un petit peu comme si on était sorti d'un rêve, quoi. There is no bug. Il n'y a plus de bug, c'est bon, il peut reprendre sa vie. Enfin, sa vie électronique. C'est un peu ça, ouais. Bon, je vous conseille à tous de découvrir cet album. Il est vraiment excellent. Je fais de la promo depuis tout à l'heure sur tout ce que fait David Collin, mais bon, quand c'est bon, il n'y a pas de problème à le dire, je pense. Hein, donc, moi, je conseille fortement cet album. Alors, je ne connais pas les autres travaux sur lesquels tu as travaillé avec d'autres groupes, hein, effectivement. Je n'ai pas pu les entendre, mais pour cet album-là, franchement, ça vaut le coup. C'est assez rock, on peut le dire. Hein. Oui, oui. C'est tout. Mais ce n'est pas un rock abrutissant. Je veux dire, on écoute vraiment d'une traite cet album. Voilà, sans problème, on est dans voyage avec le compositeur, il nous amène où il veut nous amener, mais on lâche pas le CD jusqu'à la fin. Étonnamment, on a cru qu'on pourrait s'arrêter, mais non, on continue le voyage aussi. Alors c'est un disque instrumental, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de chant dessus. Et c'est donc essentiellement la guitare qui mène un peu le jeu, puisque c'est metal progressif, rock progressif, metal progressif. Et on y retrouve mes influences diverses. Donc j'étais un petit peu à fond dans Dream Theater à l'époque. Et il y a pas mal de nap aussi, avec des passages un peu planants, la Marillion. Donc voilà, c'est du rock progressif, parfois péchu, parfois mélancolique, parfois planant. Alors je sais que tu as eu une formation avec Patrick Ronda qui a travaillé. Ouais, c'est Patrick Ronda en lui-même est déjà une personne. Mais pour mieux le situer, pour les auditeurs, il a beaucoup travaillé avec Jean-Michel Jarre. Mais il ne fait pas du synthé, Patrick Ronda. Il joue de la guitare. Hein, c'est ça, on ne peut pas dire mieux. Ouais, c'est un guitariste. Ouais. Et tu l'as connu à travers des formations, c'est ça ? Des masterclass ou des... Alors oui, j'ai eu l'occasion de faire avec lui des cliniques de guitare. C'est-à-dire des cours de guitare intensifs sur plusieurs jours. Et ça s'est produit plusieurs fois, donc je l'ai rencontré plusieurs fois. Donc lui, Patrick Ronda, ça a été à une époque le guitariste de Jean-Michel Jarre. Et il est un petit peu aussi dans ce que j'aime faire. Donc c'est rock, c'est instrumental, c'est un peu progressif aussi. Et puis j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre aussi, donc c'est vrai que ça correspondait pas mal. Son jeu de guitare correspond pas mal aussi à ce que j'aime et à ma façon de jouer aussi, je pense. Donc, il m'a influencé. Et puis, j'ai eu donc l'occasion plusieurs fois de le rencontrer lors de ses cliniques guitare. Et voilà, on était quelques-uns, chaque fois une petite dizaine dans une école de musique. Il y en a eu une à Limoges, je crois. Une à Périgueux, il me semble aussi. Et puis, voilà, donc on a travaillé sur ses morceaux. Il nous explique sa façon de voir les choses. Ses rencontres avec Jean-Michel Jarre, comment, comment lui gère sa carrière et tout ça. C'était vraiment très très intéressant. Et puis voilà, ça nous permet aussi à nous d'évoluer. Enfin, tous les guitaristes qui ont participé à ça, ça nous a enrichi, quoi. Voilà, j'en garde vraiment une très très belle expérience. Mais oui, c'est aussi un souvenir visuel. Enfin, une personne qu'on a appréciée et qui nous apprend, c'est quand même quelque chose, j'imagine, en même temps. Oui, et puis là, c'était vraiment dans une pièce, seul avec lui, pendant 3 jours, plusieurs fois, quoi. Puisqu'il y a eu deux ou trois stages, j'en ai fait au moins 2. Et après, je l'ai rencontré d'autres fois où il a fait des mini-concerts dans des écoles, là, des masterclass, à proprement parler. Voilà, mais c'était vraiment très très bien, vraiment génial. Donc, The Silver Ghost Project est toujours disponible, il y a encore quelques CD dispo, qu'on peut commander sur le site de Parallax. Je ne sais plus s'il y avait un morceau écoutable, peut-être sur le site de Silver Ghost Project ou pas. Il y a des extraits, oui. D'accord, donc si vous voulez d'abord voir à quoi ça ressemble, donc vous pouvez écouter en ligne l'album, et puis il coûte 10 euros plus 1 euro de frais de port. Voilà, donc ça vous fait 11 euros pour cet album, et il vaut le coup, hein, franchement, encore une fois. Donc je vous conseille d'aller sur parallax.fr dans la partie discographie pour voir le lien, pouvoir le télécharger. Pas le télécharger, excusez-moi, c'est pas bien. Peut-être légalement, je ne sais pas, mais au tout de moins pour avoir un CD original. Bah, il n'est pas encore en téléchargement légalement. D'accord. Peut-être ça viendra, je vais voir ça. J'ai une dernière question. On va revenir un tout petit peu sur Ulysse 31. Oui. Tout petit peu, bah, on va revenir dessus. Entre le moment de la réservation des packs qui ont été faits et à aujourd'hui, donc il y a pratiquement 2 ans qui se sont passés. Oui. Ce qui fait que ça a pris de temps. Je sais qu'il y a la partie donc, de réorchestration à refaire, des morceaux à refaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont joué, j'imagine ? Et qu'est-ce qui donc, a un peu bloqué, on va dire, une sortie plus rapide ? Alors déjà, peut-être que moi, je me suis pris un petit peu tôt, donc c'est vrai. Ça suscite l'envie, après. Comment ? Ça suscite l'envie ! Oui, oui, non, mais c'est vrai, j'ai un petit peu cédé sous la pression des fans qui m'ont longtemps demandé « Alors, les précommandes, c'est quand que ça ouvre ? C'est quand que ça ouvre ?» Et bon, c'est vrai, quand j'ai démarré les précommandes, voilà, il restait encore beaucoup de gros arrangements à faire, donc pas grave, hein, c'est une erreur. J'aurais dû attendre un petit peu plus, mais bon, il y a ça. Et puis, il y a tout ce qu'il y a derrière aussi, parce que il faut savoir que je dépends aussi des ayants droit, je dépends des validations, je dépends du mastering, parce que le mastering va être fait par une boîte indépendante. Ouais. Donc la boîte qui va fabriquer aussi les coffrets, les CD et tout ça vont faire des prototypes. Après, les prototypes vont partir chez les ayants droit dans plusieurs pays différents. Et c'est quoi des ayants droit pour la musique de Ulysse 31 ? Est-ce que c'est les Japonais ? C'est plutôt les compositeurs originaux ? Enfin, donc, il y a qui du coup ? Il y a Danny Crockett, T.K. Egan, il y a Slaban, j'imagine. Alors pour les ayants droit, oui, c'est Kukijar en fait qui gère tout ça. C'est pas vraiment Danny Crockett et Ike Egan et tout ça, puisque faut savoir que eux-mêmes la musique ne leur appartient pas. La musique appartient à la société en fait qui a acheté les droits et tout ça quoi. Donc actuellement les droits appartiennent à Kukijar. C'est plus pour les visuels. Là, moi je dois rendre des comptes à Kukijar pour les visuels. Quand je parle d'ayants droit. Je veux dire que le coffret en lui-même, l'objet, va être envoyé à ces gens-là pour justement, ils vont contrôler que chaque mention de copyright soit bien signalée, que les couleurs, la forme des personnages soient bien respectées, tout ça sur les pochettes, sur les images. Tu penses qu'ils sont super regardants sur là-dessus ? Ah bah oui, chaque illustration qui a été réalisée par Jérôme Alquier et Benjamin Carré, chacune des illustrations sont déjà passés entre leurs mains et j'ai déjà eu un accord au fur et à mesure de la réalisation, si tu veux. Chaque illustration est passée là-bas et a dû être approuvée. D'accord. Et maintenant, une fois l'objet fabriqué, il doit ensuite passer entre leurs mains. Mais pour les compositeurs, tu as plutôt leur droit moral. Alors, pour les compositeurs, c'est encore autre chose. Ah. Il me faut un accord. Donc, c'est d'autres sociétés qui sont en jeu. Hein. Et ça passe aussi par la SACEM. Donc, je dois avoir un accord écrit de l'entité qui représente les compositeurs. Et après, c'est à la SACEM que ça se passe. C'est-à-dire enfin un peu avant la fabrication des disques, il faut faire une déclaration à la SACEM et la SDRM et payer ce qu'on appelle une redevance, la redevance de la SDRM et tous les droits SACEM qui vont être reversés aux compositeurs en fait. C'est la même rémunération étranger. Des compositeurs. Même étrangers, les étrangers arrivent à toucher des sous via la SACEM française. Alors il y a un lien parce que aux États-Unis, ça s'appelle pas SACEM, c'est l'ASCAP. C'est l'équivalent de la SACEM. Oui, c'est le nom qui revient souvent dans les litiges et justement des piratages. Voilà, aux États-Unis, c'est l'ASCAP. Nous, en France, on a la SACEM. Mais c'est la même chose. Ils font le lien, après, ils se contactent entre eux. D'accord, c'est jamais perdu. L'argent n'est jamais perdu. Non, non, non. C'est bien organisé. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as eu des messages des micro-quêtes sur ton travail, puisqu'on voit juste une phrase. Donc... Oui, on a échangé quelques mails. Voilà, bon, ça n'a pas été très très loin, mais je veux dire, on a échangé quelques mails. Il a entendu, à l'époque des premières démos, il a entendu ce que j'avais fait. On s'est recontacté il y a quelques temps, de temps en temps. Il m'a dédicacé un disque aussi. Voilà, il y a des petites choses comme ça. De temps en temps, on se recontacte. Le CD du Liste 31 sorti par Laurent Dobler, Dobeler. Ouais, voilà, oui. Quand ils ont retrouvé donc leur bobine là, qu'ils sont sortis ensuite, il m'a dédicacé un CD, oui. Ah, et qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, bah donc quand tout sera terminé, je lui enverrai un coffret. Lui et Ike Egan aussi recevront un exemplaire de ma version du Liste 31. C'est prévu. C'est formidable tout ça. Eh bien voilà, on a terminé cette interview. D'accord. Bah oui, d'accord. je suis d'accord aussi. David Collin, merci à toi. Merci d'avoir participé à cette interview. J'espère que tu vas passer... tu as 2 mois de vacances, non? À peu près, un peu moins? Oui, à peu près, ouais. Que du repos ou un peu de travail quand même sur Ulysse 31 du coup? Beaucoup de travail sur Ulysse 31 et puis après le repos, quoi. D'accord. Tu participes plus à aucune convention? Pas pour l'instant, non. Je vais attendre vraiment la sortie du disque avant. Ouais, je pense que c'est même bien. C'est vraiment l'occasion à ce moment-là. Oui. Très bien, je te remercie et passe de très bonnes vacances et peut-être à bientôt, comme on dit. Merci beaucoup, Damien. À bientôt et bonnes vacances également. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci David Collin pour cette interview et pour ces extraits inédits que vous retrouverez complets d'ici la fin de l'année, soit en 33 tours, soit en CD. Je reviendrai vers vous pour vous prévenir de leur sortie. En attendant, on retrouve Thierry Bénard pour la partie technique. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Damien. Alors voilà, donc on est ensemble pour parler de Ulysse 31 Revisited sur l'interview de David Collin, oui. Où on a eu quelques petits soucis sur cette interview. Alors le problème que l'on a eu, c'est que l'enregistrement s'est fait via Skype et il y avait aussi donc un problème en fait de volume déjà du micro, du mien principalement, mais aussi un souffle toujours provenant de mon micro parce que j'étais obligé d'utiliser un micro filaire pour cet enregistrement et non pas un micro USB comme j'utilise actuellement. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux expliquer en fait à nos auditeurs ce que tu as fait pour améliorer le son ? Voilà, bon, déjà pour commencer, la première semaine j'ai commencé à travailler sur le son en augmentant ta voix pour qu'elle soit alignée sur la voix de David. Ouais. Mais après, bon, j'ai vu que c'était infructueux, il y avait trop de problèmes sonores, quoi. Donc, le bruit de souffle amplifié, tout était déformé. D'accord. Donc, du coup, tu t'es aperçu au bout d'une semaine bon, que le résultat était assez moyen. Et qu'est-ce qui t'a fait passer sur ce deuxième logiciel dont tu vas nous parler tout de suite ? Alors, en allant en ville, je me suis arrêté dans une boutique de musique spécialisée en enregistrement et mastering. Oui. Et le vendeur m'a conseillé d'utiliser un logiciel professionnel, Isotope Iris 4 Advanced. C'est un nom assez long. Tout à fait. Mais une fois qu'on a essayé de travailler avec, là, ça change du tout au tout. D'accord, c'est-à-dire ? Alors moi, ce que j'ai fait, ce logiciel-là m'a permis donc, de décliquer, de mettre au niveau le son, hein, pour éclaircir la voix, tout en réduisant les bruits de fond. D'accord. Voilà, et puis même réparer des fois le spectre sonore pour enlever des bruits indésirables au mieux. Ça disparaît comme ça, sur un clic, c'est super. Et puis voilà, quoi. Et puis dans le détail, ce que j'ai fait, donc j'ai dû amplifier la voix, donc ta voix, sur un facteur de x2 à x4, donc c'est pas mal, quoi. Ouais. Pour au mieux égaliser au plus proche celle de David. Qui lui, par contre, il a une voix beaucoup plus grave. Et voilà, quoi. Et puis même sa voix, j'ai dû l'adoucir pour réduire les pics. Et le mettre à mon niveau. Et le mettre à ton niveau aussi. Et puis, pareil, une fois que j'ai réduit un peu la voix basse de David, ça m'a permis de mieux amplifier l'ensemble de la bande son. D'accord. Oh, puis ensuite, je continue. Il y a une bonne liste quand même. Hein. Mais vas-y, je t'en prie. Hein? Donc, j'ai atténué donc, au mieux le fort souffle de fond quand même. C'est énorme le souffle. Hein. Ah oui, mais c'est un micro filaire, hein, donc forcément il y a du souffle. Ensuite, j'ai réduci, voire supprimé certains bruits gênants grâce au spectre. J'ai dû adoucir, voire même supprimer aussi manuellement d'autres pics, mais générés par des bruits métalliques. Hein. Donc, bruit du stylo et autres, bruits environnants. Ouais. Mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Là, ça m'a pris, on va dire, en tout, plus de 20 heures, voire 30 heures sur les 40 heures de travail global. Oui, ce qu'il faut vraiment que vous, les auditeurs comprennent, c'est que Thierry donc a travaillé en fait quasiment, comme je dirais, pixel après pixel pour une image. Ah, c'est ça, au millimètre. C'est un peu le même principe. Donc c'est voilà, à la millimètre de seconde près pour enlever un bruit sonore en fond, voire améliorer voilà le son en tout cas de ma voix par exemple. Voilà, surtout ça. Et puis après, bah, surtout à un moment donné, donc vers la moitié de l'interview. La qualité audio de Skype était tellement mauvaise, en gros c'était tout hachuré. Voilà, il y a 5 pics par exemple sur 5 secondes, c'est énorme. D'accord, d'ailleurs peut-être qu'on aura le même problème d'ailleurs dans les minutes qui viennent, parce qu'on entend, j'entends moi qu'on a des petits soucis, alors j'explique pour les auditeurs. Actuellement on n'est pas sur Skype pour faire c'est pas une interview mais cette discussion, on est sur un logiciel qui s'appelle Mumble et j'ai l'impression qu'il va y avoir le même type de problème de son dessus, mais là par contre on ne fera rien pour l'améliorer, hein. On va essayer de faire au mieux que tout soit compréhensif, mais vous aurez peut-être compris d'ailleurs grâce à Mumble ce que ça avait pu donner pour l'interview. Je t'en prie, hein, je t'ai coupé, excuse-moi. Non mais c'est pas grave, hein. Voilà, puis après ben ensuite j'ai dû aussi réduire donc pas mal de temps mort, hein, donc des longs silences, il y en avait quand même pas mal, hein. D'où à la fin ben, sur une interview qui faisait 33 minutes au début, j'ai carrément enlevé presque 8 minutes en tout. Ah oui. Et puis après, bah, j'ai dû aussi supprimer aussi des mots hésitants. Et puis j'ai essayé d'effectuer des collages précis afin d'obtenir une fluidité dans les phrases. Et puis finalement, c'est comme si rien n'était. Ça, c'est la magie du numérique. Très bien. Donc voilà, c'était un gros travail. Vous l'avez entendu sur cette interview. C'est pour ça que je tenais à en parler en fait un tout petit peu sur cette fin d'émission. Pour vous faire comprendre un petit peu ce que cela donne, on va vous faire écouter en fait un extrait venant du fichier d'origine, c'est-à-dire de l'enregistrement même de l'interview, et le même passage avait appris que le fichier a été retravaillé par Thierry. Vous allez voir, la différence est quand même assez notable quand on écoute les deux morceaux accolés l'un à l'autre. Allez, on se retrouve juste après ces deux extraits. Est-ce que tu as tenté ou pas de faire découvrir ces musiques-là, de Miss 31 par exemple, à tes élèves ou pas du tout? Ton métier c'est une chose à part et c'est tout. Ouais, alors je m'aventure pas trop dans ce genre de choses. Est-ce que tu as tenté ou pas de faire découvrir ces musiques-là, de Miss 31 par exemple, à tes élèves ou pas du tout? Ton métier c'est une chose à part et c'est tout. Ouais, alors je m'aventure pas trop dans ce genre de choses. Voilà, vous avez entendu donc ces deux extraits, très différents en tout cas, voilà, entre le morceau d'origine et le morceau final. Donc vous avez pu voir le travail qui a été assez conséquent finalement par le travail donc de Thierry, qui nous a assuré un super boulot, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Bravo Thierry. Ouais, merci bien, y a pas de quoi. Ah ben quand il faut le dire, quand il faut le dire, et là c'est le cas. C'est surtout pour le confort des oreilles de nos auditeurs, surtout ça. Et de tes oreilles. Et surtout les miens, bien sûr, forcément. Alors, avant de terminer, j'ai reçu en fait un mail de David Collin. Alors pour vous expliquer, l'enregistrement de l'interview a été fait fin juin. Et donc, en réécoutant ce que je lui ai envoyé déjà l'interview pour qu'il me dise ce qu'il en pense, il m'a dit qu'il avait vu une petite erreur sur ses propos, parce qu'il n'avait pas compris ma question en fait. Donc, je vais vous faire écouter le passage en question, et puis je vais vous lire le mail qu'il m'a fait par la suite. Donc, à tout de suite. Et c'est pas celui qui font les bruitages un peu électroniques, un peu robotiques. Alors ça, les bruitages, c'est l'ARP 2600. Celui-là, c'est vraiment le synthétiseur qui est parfait pour les bruitages. Il a servi d'ailleurs dans d'autres séries, hein, comme Goldorak, tous les bruitages, Fulgur au point et compagnie, tout ça, là, c'est l'ARP 2600. Le R2-D2 dans Star Wars, c'est aussi ça, c'est le 2600. Ah bon, le... D'accord. Ouais. Les sifflements R2-D2, c'est exactement ça. Voilà, et puis tous les petits ajouts donc de petits bruits dans les morceaux ou même quand on entend purement des effets spéciaux dans Ulysse 31, ça fait un peu électronique, c'est l'ARP 2600 généralement. Alors voilà, vous avez entendu ce fameux extrait, donc voici maintenant le mail de David. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas bien compris ta question sur les bruitages électroniques. Elle portait précisément sur le thème de Nono. J'ai tilté car tu as mis la musique dans l'interview, alors que je pensais qu'elle était plus générale. Du coup, j'insiste un peu sur le ARP 2600, alors que ce n'est pas ce synthé pour les bruitages de Nono. Tu as raison, d'ailleurs, on le voit dans ma vidéo. J'ai refait les bruitages sur le Prophet 5 et le Mini Moog. L'ARP 2600 n'a pas servi pour ce morceau. Mais en règle générale, c'est quand même lui qui sert dès qu'il y a un bruitage un peu élaboré. Voilà, c'était donc la réponse de David Collin sur cet extrait que vous avez entendu. Il était important de le préciser puisque c'était quand même une erreur sur la question qui était posée et le bruitage qu'on entend en fond avec la musique. Voilà, on a quasiment terminé ce animé No Melody au Maquet. Je vais juste poser une question toute simple puisque Thierry est avec moi. C'est pas souvent que j'ai un invité en live pour en discuter. Alors dis-moi Thierry, qu'est-ce que tu penses de la musique dans 31, excuse-moi. Est-ce que tu aimes bien la musique de Ulysse 31 déjà? Et qu'est-ce qui te plaît dedans? Ah ben d'accord, ben déjà, la musique Ulysse 31, 80-82, j'avais à peine 9-10 ans déjà. Et donc ça m'a beaucoup marqué, je veux dire, musicalement, hein, tellement c'est riche. Après, beaucoup de musique synthétique, ça, j'adore ça. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai comparé entre la version originale et celle de David. Hein. Oui. Ben, c'est vrai que c'est assez similaire au point de vue instrument. Et le style de David, on va dire, c'est beaucoup plus actualisé que la version originale. Mais sinon, les deux valent bien le coup hein, d'écouter. Hein. Oui, c'est vrai que. Enfin, il a... La musique de Ulysse 31 est d'origine en mono, quand même, on peut dire. Et il a fait en sorte qu'elle soit donc en stéréo, donc du coup, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut entendre. Et surtout, les morceaux n'étaient pas forcément très complets ou trop longs, donc ce qui fait qu'il a rajouté des riffs en plus à la guitare, par exemple, pour donner un peu plus d'ampleur à un morceau qui est très court. Oui, c'est ça. Il a très, très bien personnalisé son style dans cette bande-son mythique. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Ulysse 31 Revisited, revisité. Donc c'est la musique d'Ulysse 31 telle qu'on la connaît, mais avec des petits rajouts supplémentaires comme un opéra rock, comme il a pu le faire sur The Seaver Ghost Project par exemple. C'est quelque chose voilà, qui apporte à l'édifice finalement, puisqu'il y a des petites choses en plus qui restent dans le ton d'Ulysse 31. Il ne s'en est pas éloigné une seule seconde, il est dans le même trip, et c'est ça qui est formidable. C'est pas juste une musique qu'on peut en trouver sur internet, refaite par quelqu'un qui veut montrer qu'il sait refaire la musique d'Ulysse 31. Il y a une musique parfaite, parfaitement bien refaite, et avec des ajouts vraiment qui font hyper plaisir. Voilà, c'est terminé pour ce animé No Melody au Maquet. Merci Thierry. Merci bien, puis au revoir. À une prochaine fois peut-être, qui sait. Pourquoi pas pour une prochaine interview. Et je me redonne la main à moi-même, puisque cette discussion a été enregistrée aussi. Et on se retrouve donc dans un instant après ce petit jingle. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Animé nos mélodies. Et on se quitte avec un dernier extrait de l'album de David Collin. À bientôt !